Vas-y, laisse-les parler. Ok. 1. J'officie en solitaire sur ma vie, mon script, ma zig, ton check commissaire. Alors je leur balance des streets, je suis pas un bouc émissaire. C'est le champion en titre qui revient pour un diagnostic. Rien que tu l'entends, tu flippes, et ouais. Moi je veux finir les doigts de pied en éventail, c'est quoi ça? Être aussi riche de cruauté que l'empereur Bokassa. La consigne c'est toujours garder son slip. Les rats quittent le navire, veulent faire chuter l'empire. On est que des victimes qui veulent se rendre utiles. On est les big T qui sortent les outils, on est la green team. L'équipe de feignasse qui te fera tourner en bourrique. Vas-y ma gueule, les hommes. Peu pour Kamas. À l'école, j'ouvrais ma gueule que pour des conneries. Je m'en battais trop les couilles, mec, j'ai trouvé aucun plaisir. Loin d'être bête, non, juste les orteils en éventail. Pythagore, Racine carré, Louis XIV, ça m'emmerdait. T'es du bouffon, ce qui t'a fait, je te jure, trop des tapettes. Moi, je préférais sécher en m'éclatant des flûtes à pétard. Pas trop matinal, j'aime trop me lever tard. C'est mal parti, je sais, pour que le monde m'appartienne, man. Je vais faire des thunes en pionçant et pas en portant des putains de palettes. Partisans du moindre effort, frère. Même le bi, c'est du tap, l'argent facile n'existe pas. Fais pas chier, j'avoue, le charbon j'aime pas. Gosser le son des enragés. Parce que ce monde est mal réparti, nos espoirs dans la misère se sont posés. C'est pour ceux qu'on la rage et fort que les assez. Ceux qui veulent pas survivre et vivre, on te l'a assez dit. Je sais que la valeur d'un homme réside dans son travail, son courage, sa capacité à toujours y croire. Rien à foutre mec, pour moi tout est mal foutu. Quand je vois quelques enculés qui pèsent 1 milliard $, je sais que c'est pas sérieux, mais j'aime les jeux de hasard. Sa mère on sait jamais, je me dis c'est pas écrit dans les as. Pourquoi pas moi sous le palmier, la baignant dans les rayons du soleil. Pacha, pépère le chat, tu vois toute l'année comme ça yeah. Avec le temps, les démasques, les doigts de pied en éventail. Ces vantards qui te font croire que la vie c'est une balade. Les quartiers c'est plus comme dans la haine, tu sais. T'inquiète pas, ils pioncent tous en maison d'arrêt. Ça j'accepte pas. Pour autant que je sache, on est efficace, non. Sors ta steadicam, filme ça, que cette pute se regarde en face. Moi je me méfie des képis qui ont la gâchette facile. Ils tuent nos mioches pour ta France chérie, alors on chute le shérif. Go, c'est le KRE qui débarque, c'est le kamikaze, tu pleuras. La plupart du temps, les plus adroits sont pas toujours ce que tu crois. Y'a des sujets qu'on évite, qu'on néglige, et ça au dépend du pauvre type que je suis. Je veux que ça cesse, et ça c'est gros, c'est le son des enragés. Parce que ce monde est mal réparti, nos espoirs dans la misère se sont c'est pour ceux qu'on la rage et fuck les assez. Ceux qui veulent pas survivre et vivre, on te l'a assez dit. Causer le son des enragés. Parce que ce monde est mal réparti, nos espoirs dans la misère se sont tournés. C'est pour ceux qu'on la rage et fuck les assez dit. Ceux qui veulent pas survivre et vivre, on te l'a assez dit. Ok, c'est MacGregor. Pour tous les petits d'em qui ont vendu notre peau sans avoir payé. 93 hardcore. Tes bras, c'était une baltringue. Ouais. Baisse les bras. Tchou.